été appelé à un moment très difficile pour l'Algérie et j'ai pensé que ma présence pouvait être utile pour sortir l'Algérie de cette situation. C'est vrai que cette légitimité, on peut se référer à une légitimité historique, cela ne m'intéresse pas. Ce que je voudrais personnellement, c'est que cette situation exceptionnelle ne dure pas et qu'on débouche réellement sur une ère de démocratie, une ère de débat qui pourrait donner une légitimité à moi ou tout autre qui se présenterait à la présidence ou à ce poste de à cette responsabilité suprême de l'aide. Je considère qu'un début de solution pourrait être trouvé dans un regroupement patriotique parce que tous les autres critères ont disparu, seul capable de poser les véritables problèmes de l'Algérie dans toute leur ampleur et de faire que ces gens-là qui attendent tout puissent être des acteurs aussi dans ce processus. Dans les années qui suivent, l'Algérie plonge dans l'instabilité et la violence. Violence dont témoigne ici, à l'été 1997, la journaliste d'El Watan, Rania Ozaki, qui couvre pour son journal le massacre de plus de 300 personnes à Raïs.